J'attends l'ouverture du sas. Je crois deviner quelqu'un qui se moque. Je l'aimerai à ma place. Reine des salopes. Une place.